À l'heure où j'ai écrit ces lignes, on ne me connaît pas. Les années défilent, j'opère dans l'obscurité, j'erre dans l'anonymat. Je développe mes textes de manière top secrète, attendant que la porte s'ouvre, que les portes de la célébrité se crèvent. La crainte dans mes yeux s'attise le brasier. Que brûler se réduise à néant les pages sur lesquelles j'affûte mon phrasé en fait. Choix d'apporter un peu de neuf par le biais de mon lancement, pourtant j'adhère à l'idée que tout n'est qu'éternel recommencement. Avec une expression commune, avec un thème commun qui pour l'instant de mon côté reste encore peu connu. Attestation carrée d'un rap caritatif à la carrure charismatique qui prône pour un état qualitatif. Je m'amusais à bousiller les bancs, d'user de mes lyrics vu que ma muse et la musique est marre d'essuyer les bancs. Ni bureau ni usine, j'ai l'allure de ceux être les derniers à rentrer dans les rangs. Elle est facile à dire mais parfois dur à comprendre, jamais pressé de l'entendre ma vérité. Elle brise des cœurs, cartonne des amitiés, tu sais de qui on parle, ouais ma vérité. Elle est facile à dire mais parfois dur à comprendre, jamais pressé de l'entendre ma vérité. Elle brise des cœurs, cartonne des amitiés, tu sais de qui on parle, ouais ma vérité. La musique m'a lanterne mais l'ambiance reste amisée, normal l'esprit est dark, les belles pensées restent en camisole. Vu que les bonnes nouvelles se font rares, on les fête comme les mauvaises. On se bute le crâne pour une naissance ou pour des funérailles, on fume et boit. Parce que c'est la merde, dur de s'orienter quand on progresse dans une fumée noire. Ma couleur de peau est mal vue. Je crois qu'en France, la déclaration des droits de l'homme est mal lue. L'art que je peaufine depuis une trotte, la structure du 209 de sens équivoque est devenue une drogue. Des lignes et des pages, des rimes et des faces, des poussées de flancs vagues, mais quelquefois des pannes sèches. La vie est faite de cette manière, c'est nous contre eux. Adam et Ève l'avaient bien notifié sur le contrat. Voici le teaser de ma vérité, en long, en large, en travers. 22 ans, voilà ce dont j'ai hérité. Elle est facile à dire, mais parfois dur à comprendre, jamais pressé de l'entendre, ma vérité. Elle brise des cœurs, cartonne des amitiés, tu sais de qui on parle, ouais, ma vérité. Elle est facile à dire, mais parfois dur à comprendre, jamais pressé de l'entendre, ma vérité. Elle brise des cœurs, cartonne des amitiés, tu sais de qui on parle, ouais, ma vérité. Obscurer ma vision, j'opère dans la pénombre, je perds mon temps à espérer, amuser dans la peine. On m'a dit que c'était la même pour tous, je suis pas les autres, aucune hiérarchie n'est pour moi, car j'aime pas les ordres. Je suis dans ma bulle, faut que le bénéf caresse ma team. Loin du monde de 09 1D charismatique. Loin d'être parfait, à milieu de vouloir changer. Moi je veux rien à part faire du son pour pouvoir manger. Alors qu'il est le taf se fait rare, mais les tam payent, donc j'en profite. Prochaine étape, remettre le rap sur pied vu qu'il m'appelle. RAF, si les pauvres MC en chient, c'est sous des rimes de sang que mon RAP se différencie. De ma longue vue, je veux bénéficier d'une longue vie riche et célèbre, je m'en fous. Le son c'est ma vie, beaucoup l'ont vu. Cool. Pour être sincère, j'ai qu'une envie, montrer au monde que le son de la campagne s'écoute quand il sort de la rue. Elle est facile à dire, mais parfois dur à comprendre, jamais pressé de l'entendre, ma vérité. Elle brise des cœurs, cartonne des amitiés, tu sais de qui on parle, ouais, ma vérité. Elle est facile à dire, mais parfois dur à comprendre, jamais pressé de l'entendre, ma vérité. Elle brise des cœurs, cartonne des amitiés, tu sais de qui on parle, ouais, ma vérité.